Est-ce que xam nga ni yow ya yaq boy bi? Non man yaq ma ko. Je me laisse un petit peu. Je laisse le boy la muy def lu ko neex. Non, il faut que mu meuna xam nga expérimenter wu pour meuna xam. Sinon, il faut pas jamais. Il faut nga arrêter tangal chocolat yu bes yi ngoy jox. Waaw. Ay tangal yu bes yu ko baax wax di jox. Pour mes petits moments. On écoute sa chronique. Chaque fois il me parle de Rion. BG, Père Calvo, Père Olivier, à tous mes parents de Rion. Tokna, Holna, Sefnuna, de Gisna de Sénégal. Li ko te dem gis na ko li tere dem Sénégal day du len day moy ne fara de rew wal politique bi def nekké ni du bo politique def ko sen nekké def ko sen xey def ko sen gon te ko xam day politique ne fara de rew wal fi ci Sénégal fa so dañ koy defé kenn ngay doxal moy kene ta ko ne jité rek politique du nekké waye ndax day politique biñ ko defé nekké fi ci Sénégal ci la tan ko tan ko Sénégal développement ci la nek bayyi wuñu politique def ko rek ni ngir dappal askan dem usul nekké def la nga xam nekké di jël li yoy du ñu dem politique du nekké waye fat ngeen ñu père Kado père Olivier hi Hey, merci beaucoup, c'était sa chronique, bébé, allez où? Ouais, mais le monde ça change, toujours égal à lui-même. Y'en a qu'à venir à ma mère, boy, c'est un boy, boy, là, ou là, là? Ah, mais ça, c'est sûr que boy, là. Boy, là, la mine, il a pas gnaou, quoi. Ça, c'est sûr que boy, là. Boy, là, le mieux, on n'a qu'à y bagasse. Thank you.